les oiseaux sont partis, et la plage s'ennuie, et la mer à mes pieds se lamente un peu. Les oiseaux sont partis, et tout crève d'ennui, et le ciel est si bas qu'il en pleure un peu, qu'il nous pleure nous deux. On y croyait, et comme on y croyait, comme il passe le temps, où es-tu à présent? Un amour c'est trop grand, un amour c'est trop bête. Les oiseaux sont partis et tout est bien fini. Les amours de l'été se sont envolés. Les oiseaux sont partis et l'automne s'embrouille, s'insinue peu à peu au cœur de nos liens. Et nous n'y pouvons rien. Bon Dieu qu'on s'aimait. Un amour c'est trop grand, un amour c'est trop bête.